أنا آسف يا أستاذ لن أدعو لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Donc il dit oui, il en est ainsi. Je suis désolé au professeur, je ne recommencerai pas une telle chose jamais. Inch'Allah, si Allah veut. Voyez. Donc les as'ilah, on les garde pour le dars suivant. Donc maintenant il te dit, il va te montrer l'exemple du fi'l mudda'af. Il dit Thaniyan, hadhihi amsilatun lil fi'l mudda'af. Donc comme on l'a dit, al-mudda'af, c'est le verbe ou le fi'l allazi aynuhu wa lamuhu harf min jins wahid ud'ima ahaduhuma fi thani. Tayeb, c'est celui dont le ayn et le lam sont d'une même lettre et l'une de elles ont été insérées l'une dans l'autre. Ce qui fait qu'à la fin tu as une lettre avec une shadda. Masalan hajja. Tayeb, asluhu, son origine c'est hajaja. Et le mudawli' yahujju. Son origine c'est yahjuju. Tayeb, et comme ça ne se dit pas, on a rentré les deux jim l'un dans l'autre. Après, des exemples de ce verbe-là. Vonna, yavonno, penser. Jarra, yajurro, tirer ou traîner. Marra, yamurro, passer. Adda, yaoddo, compter. Sabba, yasubbu, insulter. Radda, yaroddo, répondre ou répliquer ou renvoyer ou ainsi de suite. Sobba, yasubbu, ça c'est versé. Sadda yasuddu, boucher ou obstruer. Donc ça c'est celui qui a au mudralir qui prend une dhamma. Maintenant on va prendre celui qui prend une fatha au mudralir. Shamma yashammu, qui veut dire sentir. Et comme on l'a dit, on peut dire aussi yashummu, yajouz. Il file l'aura, tu peux dire yashummu. Massa yamassu, qui veut dire toucher. Shamma, en slou, son origine c'est shamima, à la wasfa'ila. Vous voyez, à la base, shamma, son origine c'est Shamima. C'est-à-dire le premier mime, il est une kasra. Yashammu, asluhu, yashmamu. Ala waz yaf'alu. Son origine, c'est yashmamu. Wa kadhalika massa. Massa, c'est la même chose. À la base, c'est massisa. Tayyib. Et l'origine, c'est yamsasu. Tayyib. Thalithan yakul ikra mayali. Donc, lis les exemples. Et essaie de les traduire, Inch'Allah. حج أخي قبل ثلاثة أي أعوام وأنا حججت هذا العام. يعني mon frère a effectué le pèlerinage il y a 3 ans avant cela. Et moi j'ai effectué le pèlerinage il y a cette année-là. Je l'ai effectué cette année-là. نعم. Avant de nous quitter, Taliban, يعني je crois que tu es un étudiant. نعم. صب لك مزيدا من الشاي يا أخي. لا ولا شكرا. يعني veux-tu que je te verse veux-tu que je te verse encore du thé? Ouais, mon frère. Non merci. رابعا. نعم. لن تجرين الحقيبة في التراب يا فاطمة. Lima. Ah, Lima, non. Enfin. Lima, t'as joué Rina. Oui, sinon, nous, il serait mahlouf. Sinon, nous, il serait mahlouf. Non. Forcément. Sur tes lames. Lima, t'as joué Rina, l'hakibata. Fitora, biya, fatima. Yanni, pourquoi ne tire pas le. Pourquoi tires-tu? Pourquoi traînes-tu? Traînes-tu, on va dire. Pourquoi traînes-tu là, Yanni, le sac sur le sable, Fatima? Sur la terre, non. Khamisan. Adadti, hadhi riyalati ya su'ad. Naam, adadtuha, hiya mi'ata riyal. Hiya. Mi'atu. Mi'atu, naam. Naam. Yanni, as-tu compté ces riyal au su'ad? Naam, je les ai comptés. Il y en a pour 100 riyal. Naam. سادسا نعم واصل لما دخلت البيت شممت رائحة طيبة يعني lorsque je suis rentré à la maison j'ai senti une bonne odeur. نعم يمر المدير على الفصول كل صباح يعني le directeur passe dans toutes les classes tous les matins. passe dans les classes tous les matins. Pourquoi je dis quoi? Dans toutes les classes. Il n'y a pas de cool. Ouais. Il n'y a pas de cool là devant le cool. Taïeb. Rabian, aslid al-afal al-atiyata ila al-mutakallimi kama huwa muwaddih fi al-mithal. Donc il dit, toi, lis les verbes suivants au mutakallim, l'orateur, comme cela est éclairci dans les exemples suivants. Donc là, on va t'apprendre comment on attache un damir avec ce verbe-là, c'est-à-dire le mudaraf au mardi. Il dit Hamidun vanna, ay huwa. Donc là, tu dis quoi? Ana vanantu. Donc là, c'est passé quoi? On a défait l'idrom. On a séparé les deux nouns. Et il est revenu à son origine. Ana vanantu, ala was, ana faaltu. Et tu fais pareil avec tous les ceux qui ont un t. Faaltum, faalti, faalta, vanantu, vananti, vananta, ainsi de suite. Hamidun adda, Hamid a compté. Ana adattu. Donc pareil, on a séparé les deux d'elles. Hamidun marra. Ana marartu. Vous voyez, Hamid est passé, je suis passé. Hamidun jarra. Hamid a traîné ou a tiré. Ana jarartu. Hamidun hajja. Hamid a fait le hajj. Ana hajjajtu, comme tu l'as vu dans le texte. Hamidun radda. Ana radattu. Hamidun shakka. Shakka, c'est fondre ou déchirer peut-être aussi. Ana shakakutu. Hamidun shamma. Donc là, c'est quoi? Ana shamimtu. On met une kasra sur le mime dans celui-là. Parce que là-bas, c'est shamima. Hamidun sobba. Ana sobabtu. Il est versé. Hamidun massa. Ana massistu. Comme shamma. On met une fatha, une kasra. Donc là, c'est facile. Et tu fais pareil avec tous les. Il prend la même règle avec te et tel fa'il. طيب خامسا تامل المثال ثم ادع الامر من الافعال الاتيه donc il dit médite sur les exemples et mais l'impératif des verbes suivants donc là il va t'apprendre à quoi à faire le amr de ces verbes là l'origine c'est anta tajurru tu traînes voyez et comment ça se prononce à la base tajurru tajurru c'est-à-dire le ra au milieu. Tu prends le sukun. Donc pour faire le homme, comment tu fais? Tu dis jur. Cependant, là, on a quoi? On se trouve avec deux ra avec une sukun. Tu dis quoi ça qui est name? Ça va faire quoi? Jur. C'est pas prononçable. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour le tikan ça qui est name, on met une fatha. Donc on dit jurra. À la base, c'est jur. Mais ça se dit pas. Moi, j'avoue toujours que. Frère. Insiste. Hein. Donc on dit quoi? Jurra. On met le fatha, ce fatha là n'est pas d'origine, on a juste mis quoi pour tikwa sakinaim. Tayeb. Tamurru, comment tu dis le homme? Mur. Aïwa, murra. Taruddu, l'homme? Urudda. Naam. Tahudju? Hudja. Naam. Tazunnu? Dhunna. Tasubbu? Subba. Tauddu? Udda. Tachammu? Non. Chamma. Tamassu? Massa. Ça dit ça. Ikrama yali. On a donné des exemples du Amr avec des phrases. Mufida. Tu vas te donner? Jurra hada al-kutub. Hein? Là. Regarde bien. Il n'y a pas écrit ça. Ah non. Jurra hada al-maktab. Non. Il y a très. Laisse-le tirer plutôt. Tire le bureau. Non, tire ce bureau. Soubba al-qahwata les douyouf. Verse du café pour les douyouf, pour les invités. Non. Non. Oudda hadi al-kutub. Compte ses livres. Non. Non, compte ses livres. Shamma hadi zahra. Ni son cette fleur. Il me faut de l'eau. Il faut de l'eau. Là, il va t'apprendre quoi? Le jasmin. comment rend ce fil majzoum. Donc il dit Sabian, ta'amel mayali, médite ce qui suit. Yahudjo, ça c'est l'origine des marfois. Taïeb avec une damma. Tu veux dire lam yahudj. Taïeb, quand tu rentres lam, lam yahudj. L'origine c'est quoi? Lam yahudj. Taïeb avec deux djim, tous les deux qui le soukoun. Et cela n'est pas faisable, comme on a dit Tikansakinein. Donc on fait quoi? On fait comme l'homme. On refait l'hydrome, on met une fatha. Tu dis lam yahudja. Et cette fatha, des fois, juste pour empêcher le Tikansakinein. Pareil, tajurru, tu tires ou tu traînes. Avec le lainahia, pour interdire, qui est aussi un harf jazm, tu dis la tajur. Taïeb, la tajur. Et l'origine, c'est la tajur. Avec deux ra. Et tous les deux qui le soukoun. Donc, comme c'est pas faisable, on refait l'hydrome, on remet les deux ra ensemble, et on met une fatha. La tajur ra. Taïeb, la tajur ra. Ne tire pas ou ne traîne pas. Donc, il dit maintenant, adib an asilatil atiya. Binnafi mustamilan lem. Donc réponds à la question suivante. Taïeb, avec une négation en utilisant lem. Masalan, il dit e hajashta. As-tu accompli le hajj? Donc il dit la lem ahudja. Non, je n'ai pas fait le hajj. Taïeb, Fanyan, Faddal. Isal, moi je vais. Taïeb, e adadti hadil kutub ya binti. As-tu compté ses livres, ô ma fille? La, l'âme aoudda. Tu peux me dire l'âme aouddaha. Damien pour le revenir en kutub. Thalithan. E, sababata zamilaka hadha ya Ali. As-tu insulté ton camarade ou Ali? La, l'âme asubba zamili. Naam. Rabi'an. Amarra al-mudiru wa al-fusul. Est-ce que le directeur est passé dans les classes? La, lam yamurra al-mudiru ala al-fusul. طيب. Khamisan. A sub Non. Ouais, pas de faire, on se passe un mot à notre zakar. On va dire ta. Ça peut être ti aussi, parce qu'il ne précise pas. As-sababta al-ma'a alladhi kana fil koub. As-tu versé l'eau qui était dans le verre? La, lam asubba. طيب. Thadisan. Ashamimta raihatan karihatan indama fatahta bab al-hammam. Donc as-tu senti une mauvaise odeur lorsque tu as ouvert la porte du hammam? Indama Indama se traduit par lorsque. Quand? Parce que souvent au début quand les gens ne savent pas ils disent quoi? Ils disent mata. Par exemple ils vont dire quoi? Ashamimta raihatan karihatan mata fatahta bab al-hammam. Donc il faut savoir en arabe quand on veut dire un quand qui n'est pas une question, lorsque ou au moment, on va utiliser indama. Il y en a d'autres encore. Hinama ou Beinama, ainsi de suite. Taïeb, Faddal. La, lam ashammaha. Lam ashammaha. Taïeb. Tasiran. Atril, la al-nahia ala al-fi'l al-ladhi amam kulli jumlatin ou akmil bihi al-jumla. Donc tu rentres la al-nahia, celle qui est haf al-jazm, dans les verbes qui sont devant chaque phrase, et tu complètes la phrase avec ce verbe. تفضل الجمله الاولى لا تصب لي مزيدا من القهوه نعم يعني ما verse pas encore du café نعم لا تظن ان الامتحان سيكون سهلا يعني ne pense pas que l'épreuve sera facile نعم لا تصب اخاك المسلم يعني ne suis pas ton frère le musulman. La ta'udda hadhihi riyala. Yani ne compte pas ces riyals. La tamurra bayna yaday al-musalli. Yani ne passe pas entre ne passe devant. Pas devant le musalli. Non, bayna yaday. C'est une expression. Ouais, c'est une expression qui veut dire devant en fait, amam. Tu voyez, bayna yaday, ça veut pas dire entre les mains, ça veut dire devant. Ça dit ça? C'est figuré ça. La tajurra saburata. Il ne tire pas le tableau de sa place. Ne l'enlève pas de sa place, c'est ça. Taïeb. Maintenant, il te dit quoi? Ashiran. Isnadu adda il al-dama'ir. Donc, il va te montrer ici comment on attache les dama'ir au fil adda, qui est aussi un mudaf. C'est le même règle pour tous.

Adda, comptez. Ya'uddu, c'est le marfou. Lam ya'udda, c'est le mansoub. Lam ya'udda, c'est le majoum. Udda, c'est le homme. Shamma, sentir. Yashammu, ça c'est le marfou. Lam yashamma, ça c'est le mansoub. Lam, ou lam, afouen. Yashamma, c'est le majoum. Shamma, c'est le homme. Et quand tu vois Shamma, le Amr et le Mardi, ils sont pareils tous les deux, en apparence. Mais dans le sens de la phrase, tu arrives à distinguer, inshallah. Summa jadda, qui veut dire faire bien les choses. Tayyib, être sérieux. Al-Mudali al-Marfou, yajiddu. Al-Mansoub, lan yajidda. Al-Majzoum, lam yajidda. Wal-Amr, jidda. Ensuite, fi al-Mithal. Al-Mithal, celui dont le fa, sahaf al-Illa. Ou un waouh, ou ça peut être un ya. La salen waqafa, qui veut dire se lever ou s'arrêter. Moudali marfour, yaqifu. Al moudali mansoub, lan yaqifa. Al moudali majoum, lam yaqif. Ou al am qif. Ensuite, le montel al-ayn, al-ajwaf, celui dont le ayn, c'est haf illa. Ou un waouh, ou un ya, ou un lif. Le premier, qala, dire yaqulu. Ça c'est le marfou. Lam yakoula, ça c'est le mansoub. Lam yakoul, ça c'est le majoum. Koul, ça c'est le homme. Ba'a, qui veut dire vendre. Yabi'u, ça c'est le marfou. Lam yabi'a, ça c'est le mansoub. Lam yabi'a, ça c'est le majoum. Bi'a, ça c'est le homme. Nama, qui veut dire dormir. Yanamu, ça c'est le marfou. Lam yanama, ça c'est le mansoub. Lam yanam, ça c'est le majoum. Nam. Al-Am. Ensuite, le mortel Akhir, celui dont le lem, c'est un harf al-illa. On l'appelle aussi le Naqis. C'est un verbe, on l'appelle le Naqis. Masha, qui veut dire avancer. Moudalia Marfour, tu dis Yamshi. Et la Dhamma, ici, elle est Muqaddara. Tu la vois pas. Lam Yamshiya, ça c'est le Mansoub. Par contre, la Fatha, elle apparaît. Lam Yamshi, on enlève le harf al-illa. Al-Am Yamshi. Nasiya, qui veut dire oublier. Yansa, la Dhamma, dans Marfou al-Muqaddara. Lan Yansa, là aussi pareil, la Fatha al-Muqaddara. Lam Yansa, le alif, elle était enlevée. Insa, ça c'est l'homme. Naha, interdire. La Moudali al-Marfou, Yanha. La Dhamma al-Muqaddara. Lan Yanha, ça c'est le Mansoub, la Fatha al-Muqaddara. Eux ils l'ont mis, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Normalement, l'alif, il est toujours avec une soukoun. Lam yenha, là on enlève l'alif, là il est majoum. C'est inha, ils ont mis anha. Hein? Inha, ah non, l'autre fatha c'est du verbe qui est au-dessus. Inha, ça c'est le homme. Et celui qui finit par un waouh, da'a, qui veut dire invoquer, ou appeler, ou inviter, et ainsi de suite. Yad'ou, ça c'est le mudari, marfou. Et le dhamma, le muqaddara, tu la vois pas. Lan yad'oua. Là, c'est Mansoub. La fatha, elle apparaît. Lam, yad'ou. Là, le waouh était enlevé. Majzoum. Oud'ou, ça, c'est l'homme. Et dans le naqis, on a dit que c'était deux catégories. Le lafif et le makroun. Taïeb, celui dont le aïn et le lem sont hafl illa. Et le lafif et le mafrouk, celui dont le fa et le lem sont hafl illa. Donc, le premier, comme kawa, repassé. Yakoui, ça, c'est le marfoua. La domaine, le muqaddara. Lam, yakouia, le Mansoub. La fatha, elle apparaît. Lam, yakoui, majzoum, on enlevait le ya. Et l'am ikoui. On enlève le dia pareil. Ensuite, le deuxième, la fif et le mafrouk. Comme waqa, qui veut dire protéger. Yaqi, ça c'est le mudari' marfou. La dhamma le muqaddara. Lan yaqiya, là c'est le mansoub, la fatha l'apparaît. Lam yaqi, majzoum, on enlève le dia. Qi, celui-là c'est le am, et celui-là, bon, bah, on enlève le fa, on enlève l'aïn. On enlève le fer, on enlève l'aime plutôt. Voilà. Inch'Allah, ces coutoubles-là, ces règles-là vont mieux rentrer dans un livre qui a plus de détaillé. Parce que là, il expose des verbes dont je n'ai pas parlé dans le livre, en fait. Comme le lafif et le mafrouk, il n'y en a pas dans le livre. Pour comprendre comment l'homme est arrivé comme ça, et ainsi de suite. Vous voyez. Et là, voilà. الحمد لله رب العالمين